La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France Culture pour évoquer cette semaine rien moins que le grand Shakespeare dans une série proposée par Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Chloé Casmarek, Laurane Travalli-Chanal et Jacques Hubert. On peut faire sans trop de danger le pari que même les plus grands admirateurs de Shakespeare ne passeraient pas leur vie dans une atmosphère entre guillemets shakespearienne, car cet adjectif de shakespearien renvoie d'abord à des scènes de cruauté, de torture, de viol, à des abus de pouvoir et à des drames familiaux tissés de jalousie et de vengeance. Explorer Shakespeare, c'est donc voyager dans les noirceurs de l'âme humaine, mais ça n'est pas seulement cela, comme nous allons tenter de vous le montrer jusqu'à jeudi. Jeudi justement, où nous parlerons des petits filous de Shakespeare comme Falstaff et Antolissus, ce sera avec Pascal Drouet et puis Daniel Bougnot reviendra sur la fameuse polémique de la paternité des pièces de Shakespeare. La veille mercredi, Georges Banu nous aura parlé de la manière dont les pièces du poète anglais parlent de théâtre dans une véritable mise en abîme. Il reviendra également sur la question de leur mise en scène. Enfin demain, je recevrai François Larocque, auteur notamment du dictionnaire amoureux de Shakespeare qui comporte des entrées comme absence, femme, Hamlet, Macbeth et bien d'autres encore dans lesquels nous pourrons puiser à loisir. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, après la chronique de Stanislas Rigaud, nous présenterons les comédies et les tragédies de Shakespeare avec Gisèle Venet qui les a préfacées dans la Pléiade. Mais tout d'abord, il s'agit de replacer un certain nombre de repères biographiques avec Jean-Michel Desprats, traducteur de Shakespeare et directeur avec Gisèle Venet, de l'édition bilingue des œuvres complètes de Shakespeare dans la bibliothèque de la Pléiade. On lui doit également un Que sais-je consacré à Shakespeare paru au PUF en 2016. Bienvenue à tous. Voici La compagnie des auteurs. Il est extrêmement difficile d'échapper à Shakespeare. Il est même possible que Shakespeare soit plus fort que Rome dans mon imagination. D'ailleurs, au fond, les individus, et surtout les grands créateurs, sont beaucoup plus forts que les civilisations, puisque c'est eux qui les font. Renoir, qui n'a pas trouvé de comparaison assez forte pour dire son respect envers Shakespeare. Bonjour Jean-Michel Desprats. Bonjour. Est-ce que vous aussi vous placez Shakespeare aussi haut, voire plus haut que Rome dans votre imaginaire ? Rome n'occupant pas une place centrale dans mon imaginaire, je n'ai pas de mal à vivre intensément de cette passion pour Shakespeare, oui, qui me tient depuis l'âge de 13-14 ans. Alors on va essayer de parler avec vous moins de l'imaginaire que d'un certain nombre de faits connus au sujet de la vie de Shakespeare, une vie qui comporte certes beaucoup de zones d'ombre, mais sur laquelle on sait tout de même pas mal de choses, Jean-Michel Desprats. On sait plus de choses sur Shakespeare que sur tous les autres auteurs élisabéthains ou jacobéens. Évidemment, ce qu'on sait avec certitude, ça a plutôt à voir avec une biographie littéraire qu'avec un aperçu biographique au sens strict, puisqu'évidemment, avant de devenir Shakespeare, Shakespeare n'était pas Shakespeare, il n'y avait pas de raison particulière à ce que on soit attentif à ses dates de naissance, de baptême, de mariage, etc. Mais à quel moment devient-il Shakespeare pour ses contemporains? À quel moment prend-il une place d'importance? Je pense 1592, c'est-à-dire à partir du pamphlet de Green, qui est un contemporain, qui semble agir par jalousie en attaquant... Finalement, ça lui rend service. Pardon ? Finalement, ça lui rend service, comme quoi il ne faut jamais être trop méchant. Ça rend service à Shakespeare. Oui, et ça lui a rendu service aussi comme source, puisque Green est l'auteur de Pandosto, à partir duquel Shakespeare a écrit le Conte d'hiver. Mais je donne la date de 1592 parce que on sait qu'à cette date-là, Shakespeare a atteint une notoriété suffisante pour faire l'objet de jalousie et de cette attaque virulente où l'auteur Green donc cite un vers de Henri VI de la troisième partie qui en fait se réfère à Margaret d'Anjou. Marguerite d'Anjou, il faudrait dire, puisqu'elle était française, mais Margaret dans l'écriture de Shakespeare, en la traitant de cœur de tigre caché sous une peau de femme. Mm-hmm. Et Green parodie ce vers en parlant d'un cœur d'acteur caché, d'un cœur de tigre caché sous une peau d'acteur, en attaquant à la fois Marlowe et Shakespeare, mais Shakespeare surtout, à qui il reproche d'être l'homme à tout faire, d'être un plagiaire aussi, ce qui, par parenthèse, est décourant à l'époque. Il l'appelle le corbeau parvenu. Voilà, exactement. Il l'appelle le corbeau parvenu. Donc on sait au moins qu'à cette date-là, Shakespeare a atteint une certaine notoriété dans le monde théâtral. Alors, comment sait-on ce qu'on sait avant cette date-là? Sait-on, par exemple, exactement la date de sa naissance? On a dit qu'il avait été baptisé le 26 avril 1564 et on en a inféré qu'il était né le 23 avril, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Non, on n'en est pas tout à fait sûr, et dans le cas de Shakespeare, la légende, le mythe et les faits avérés se mélangent un peu. C'est-à-dire que le 23 avril semble avoir été choisi par l'acteur britannique Garrick comme la date de naissance, parce que c'est la date de la Saint-Georges, saint patron de l'Angleterre, et aussi parce que ça permettait de faire un cercle signifiant, puisque Shakespeare étant mort le 23 avril, le faire naître le 23 avril, c'était quand même présenter sa vie comme un cercle magique, et ce qu'il fait, lui, quand il parle de Cassius dans Jules César. Donc son père... Donc le 23, ce n'est aucune certitude. Il a été baptisé le 26, mais il est né donc quelques jours avant, ce qui n'a pas une importance capitale. Donc son père est Gantier, c'est un notable, ça n'est pas un aristocrate. Il a épousé lui-même la fille d'un riche propriétaire. D'où vient familialement William Shakespeare? Eh bien, vous l'avez dit pour le père, c'est un artisan Gantier qui... fait de la spéculation aussi, qui est dans le commerce de la laine. Et ce qui est intéressant à son sujet, c'est qu'on sait de manière quasi sûre aujourd'hui que c'était un militant catholique, hein, dans une Angleterre protestante, où il est un recusant, donc susceptible, s'il était actif, d'être poursuivi par le pouvoir. On ne le voyait pas beaucoup à l'église, en tous les cas, pas suffisamment pour le pouvoir. Ça, je ne sais pas. Eh bien, je l'ai lu en tous les cas. Bon. Ils ont 8 enfants. 5 enfants vont survivre. C'est William qui est donc l'aîné des survivants. Et c'est une famille qui pratique les arts. Il y a un rapport quand même fort avec le théâtre. Il y a un autre frère qui est acteur, qui probablement a suivi William à Londres. Mais on ne sait strictement rien de lui. Sa sœur va lui survivre. D'ailleurs, elle a une descendance qui est encore vivante aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas pour Shakespeare. Ni pour les autres frères, morts avant lui. Qu'est-ce qu'on sait, Jean-Michel Desprats, de ses études? Ah, alors c'est là que commencent les polémiques. Parce que la caractéristique majeure de Shakespeare, par rapport à tous ses contemporains, c'est qu'il n'appartient pas à ce qu'on appelle les university wits, c'est-à-dire ceux qui pratiquent l'esprit facétieux, ça Shakespeare le pratique, mais qui ont été à l'université de Cambridge ou Oxford. Et Shakespeare, non, ce qui à mon avis est une des raisons pour lesquelles on a commencé à élaborer des mythes anti-stratfordiens. Pourquoi? Eh bien parce qu'il paraissait peu crédible qu'un fils d'artisan Gantier ayant juste été dans une grammar school, c'est-à-dire donc un établissement d'enseignement secondaire, ait pu avoir la culture immense, encyclopédique, dont Shakespeare fait preuve dans son œuvre. Or, il vous semble, vous, qu'une grammar school à l'époque, ça correspond globalement à avoir fait Cambridge ou Oxford aujourd'hui. Oui, sans doute qu'on sous-estimait le niveau d'études qu'implique une grammar school, puisque on y apprenait quand même à lire en latin. Shakespeare a écrit, a lu Ovid et en latin et dans la traduction dont il disposait. Et par conséquent, le niveau d'études n'était pas du tout, enfin, on va dire méchamment, l'équivalent d'un bachelier aujourd'hui, que ce soit en France ou en Angleterre d'ailleurs. Et probablement que ça a contribué à ce mythe de Shakespeare n'est pas l'auteur de ses propres œuvres. Oui, dont on parlera jeudi avec Daniel Bougnot. Oui. Mais qui vous semble faux. Je sens que vous avez envie de le dire. J'ai envie de dire quoi ? Bah, que c'est bien Shakespeare qui a écrit ses pièces. Ben, évidemment, quand on a travaillé toute sa vie dans Shakespeare, dans une université, on se sent solidaire des centaines de milliers de gens qui enseignent Shakespeare et pour qui il y a un lien évident entre Shakespeare acteur et Shakespeare auteur de théâtre, puisque Shakespeare était acteur. Là encore, on ne sait pas grand-chose. Hein. On lui attribue deux rôles, mais sans aucune preuve. En revanche, qu'il ait été le premier des hommes de théâtre dans l'histoire du théâtre mondial, ça c'est une certitude. Oui, Hamlet c'est Shakespeare, c'est certain. C'est son propre personnage. Il a passé sa vie à réécrire Hamlet, à l'enrichir, à le retoucher, à y ajouter. Lorsque j'ai vu enfin le vrai visage de Shakespeare, une peinture d'époque, on suppose... Je me suis dit, il n'y a pas à supposer, c'est l'évidence même. C'est un personnage d'une richesse extraordinaire, avec un côté... Enfin, c'est le personnage qui a écrit des poèmes qui ne s'adressaient pas à une femme, ça. Il y a ça aussi. Il est là, avec sa sensibilité féminine, et puis ce front merveilleux d'intelligence... Et cet œil qui est inquiet, c'est Hamlet. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Shakespeare avec vous, Jean-Michel Desprats. J'ai vu que vous fronciez un peu les sourcils en écoutant Michel Simon interrogé ici par Christine Le Cerf. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce qui vient d'être dit ? J'ai cru entendre, mais j'entendais pas très bien, que Hamlet, c'est Shakespeare. C'est par rapport à ça que j'ai froncé les sourcils. Parce que Hamlet, c'est l'ensemble des personnages qu'il a créés, et il a une capacité que Keats appelait « negative capability ». En français, ça se traduit clairement par « empathie », c'est-à-dire de s'identifier à chacun des personnages, y compris... les personnages transgressifs, les personnages de villains, les personnages qui représentent une forme de noirceur morale, auxquels il donne toutes les justifications du monde en tant qu'acteur de leur propre vie. Et on prend souvent ces justifications, qui sont celles du personnage, pour des justifications morales ou dramaturgiques du personnage. Alors ce qui est troublant dans Shakespeare, qui est un vrai mystère, c'est justement qu'on a affaire, je reprends les mots de Peter Brook, à un auteur quasiment anonyme, c'est-à-dire qui crée un monde parallèle au monde réel, avec toutes les contradictions du monde réel, sans s'identifier à aucun de ses personnages. Alors, une petite nuance, il est de fait que on a l'impression que et les sonnets et Hamlet occupent quand même une place particulière dans la biographie de Shakespeare. Notamment Hamlet, car on sait qu'il a eu des jumeaux en 1585, que l'un de ces jumeaux s'appelait Hamnet, l'autre s'appelait Judith, et on ne peut pas ne pas penser qu'il y a là plus qu'une coïncidence, Jean-Michel Desprats, dans ce nom-là. Nous, on ne peut pas penser, puisque on vient après 4 siècles de Shakespeare sur les scènes, dans les écrits théoriques, critiques. Mais à l'époque, il semble tout simplement que Shakespeare ait donné le prénom de deux amis à lui, qui étaient le parrain de ses deux enfants, dont une caractéristique intéressante quand même est qu'ils étaient jumeaux, puisque la gémellité occupe une place centrale, au moins dans la Comédie des Erreurs et dans La Nuit des Rois. Et quelle conclusion en tirez-vous de cette place de la gémellité ? Qu'il peut y avoir eu, vous voyez, on ne va pas vers des assertions trop certaines, mais il peut y avoir eu une stimulation, comment dire, à la fois du vécu des jumeaux, qui, comme vous le savez, même quand c'est pas des jumeaux du même sexe, ont parfois une relation très très privilégiée, et du fait que Shakespeare est exploré, ce qui par ailleurs est aussi un thème immémorial de la comédie latine et autres, c'est ce thème de la gémellité, mais il peut y avoir eu une influence biographique. Alors, j'ai pas fini la phrase tout à l'heure, c'est le nom en fait d'un boulanger, Hamnet, qui était le parrain de ses enfants, et Judith le nom de sa femme. Alors, on n'a pas dit qu'il s'était marié à 18 ans à une femme assez sensiblement plus âgée que lui, c'est un mariage un petit peu précipité d'ailleurs, Jean-Michel Desprats. Oui, c'est un mariage qu'il a été sans doute contraint de contracter, puisque 3 mois après le mariage est née une fille, Judith, 6 mois après, je ne sais plus. Et par conséquent, bon, à l'époque, je crois qu'il n'était pas de bon ton que la femme ait un enfant sans être mariée. À tel point que finalement, Shakespeare va vivre assez peu en réalité avec sa famille, semble-t-il. Il va y revenir régulièrement à Stratford, il va même y acheter une très très belle propriété. Mais en effet, il passera sa vie d'artiste, d'auteur et de créateur à Londres. Alors on a dit qu'on connaissait tout de même assez bien un certain nombre de choses sur Shakespeare, mais il y a une période qui est notoirement blanche à son sujet pour l'historien, c'est la période qui va de 1585 à 1592, il a donc entre 21 et 28 ans, là on ne sait rien ou presque rien. On ne sait rien de certain, l'hypothèse la plus souvent développée, c'est celle selon laquelle il aurait été précepteur auprès d'un seigneur de Lancashire, qui était connu pour ses convictions militantes, ferventes, en faveur du catholicisme. Il a peut-être aussi quitté Stratford parce qu'il aurait été surpris à braconner sur des terres où il n'aurait pas dû se trouver. Légende. Ça, c'est la légende. Oui. Et toujours est-il qu'il aurait également, vous allez nous dire si ça fait partie de la légende ou pas, été embauché par une troupe de théâtre faisant une tournée en province. Est-ce que ça vous semble possible? Soit il est allé à Londres de sa propre initiative, soit il a rencontré une troupe, ça peut être à Stratford, soit il a rencontré une troupe, ça peut être en effet dans le Lancashire où vivait Lord Strange, qui peut très bien lui avoir, chercher à l'engager. Aucune certitude. On ne connaît pas ce visage. Je n'en ai vu qu'une seule fois, par hasard, une reproduction. Mais on connaît un dessin qui a été fait d'après ce visage par un graveur malhabile qui a fait un visage absolument monstrueux. Le front paraît gonflé avec une pompe à bicyclette. La bouche est stupide. Le nez est ignoble. Et ce visage de Shakespeare qu'on montre. Un jour, je m'en suis plaint à un éditeur. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Puisque nous avons une photographie de cette peinture qui est admirable, qui est certainement Shakespeare. Et il me dit parce que c'est plus facile un cliché au trait qu'un cliché en simili. C'est pour ça. Alors ce visage d'idiot ne choque personne. On admet que ce crétin, Shakespeare, ça. C'est ça qui est vraiment inquiétant, c'est atroce. Ça ne soulève aucune protestation. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors cet horrible portrait auquel Michel Simon fait référence, c'est lequel d'après vous, Jean-Michel Desprats? Je ne sais pas, je ne peux pas deviner. Il n'y a que deux images authentiques, c'est celle qui est paru dans le grand recueil collectif de 1623, du Folio, du Drossout, qui était flamand, je crois. Et il y a le buste qu'on trouve en l'église de la Sainte Trinité, qui en effet ne semble pas d'emblée très éloquent comme buste d'artiste. Et moi, j'ai une préférence, alors qui est dans l'imaginaire, la fantaisie. Il y a un portrait qui se trouve près d'Ottawa, que quelqu'un a trouvé dans les archives de sa famille. Sa famille habitait à une trentaine de kilomètres de Stratford. Et ce portrait, en tout cas, l'expertise apportée sur le cadre, la peinture, etc., il est authentique de l'époque. Mmh. Ce qui n'est le cas d'aucun des portraits autres qu'on lui attribue, que ce soit celui où il ressemble à Boulez, ou celui de Chandos, ou celui encore que favorise Stanley Wells, portrait Cobbe. Le portrait dont je parle, Sanders, peint Shakespeare jeune, et ça a été la raison pour laquelle il était récusé, avec peut-être d'autres raisons commerciales non dites, puisqu'il y a des gens qui touchent des droits quand on fait des gobelets avec le portrait de Shakespeare. Parce qu'en fait, il n'y avait pas tellement de raisons à cette époque-là de peindre Shakespeare jeune. C'est ça, j'imagine, la raison. Eh bien, justement, c'était la coutume. C'était la coutume que les commanditaires de portraits demandent à ce qu'on les peigne quand ils avaient atteint un certain âge, tels qu'ils étaient 10 ou 15 ans avant. Donc ça ne me paraît pas un argument pour récuser ce portrait Sanders. Bon, alors là, il faudrait entrer dans le détail, mais il y a une vidéo là-dessus qui s'appelle Battle of Wits. D'accord, on peut aller la voir alors. Parlons peut-être un petit peu de Shoreditch d'abord. Shoreditch, le quartier de Londres, où Shakespeare va pour la première fois être embauché dans un théâtre comme dramaturge. Je crois que c'est en 1594. C'est déjà un petit peu le groupe qui fondera ensuite le Théâtre du Globe. C'est ça, Jean-Michel Desprats ? La troupe de Shakespeare a joué dans un bâtiment qui était au nord de Londres. Il me semble que c'était Holywell. La troupe de James Burbage, voilà, qui est le père de celui qui a été l'interprète de tous les rôles tragiques sur la scène élisabéthaine, qui est Richard Burbage. Par parenthèse, ça veut dire que, par exemple, Othello, on ne l'a pas joué ni en noir grimé comme Laurence Olivier, ni même sans doute en faisant quoi que ce soit par rapport au fait qu'il était noir. Il fait partie donc de la troupe de James Burbage et est contraint de déménager parce que justement il y a un problème de bail qu'on ne veut pas renouveler. Et c'est au cours de ces déménagements, pendant la nuit, que l'équipe, la troupe, démonte la charpente du théâtre, The Theatre, et va l'installer à ce qui est connu évidemment aujourd'hui comme le théâtre de Shakespeare, c'est-à-dire le théâtre du Globe. Voilà, qui a été reconstruit à 10 mètres exactement de l'endroit authentique, et qui est le lieu où Shakespeare présente ses pièces, en alternance avec un autre lieu fermé, qui s'appelle les Blackfriars, qui était un monastère. Donc en fait, on a pensé à un moment donné que certaines pièces avaient été présentées au Globe et celles qui auraient impliqué une machinerie plus sophistiquée présentées dans le théâtre des Blackfriars. On sait aujourd'hui que la plupart des pièces ont été présentées, à partir du moment où les Blackfriars ont ouvert, aussi bien au Globe qu'au Blackfriars. Donc il n'y a pas de lien entre la scénographie et la dramaturgie. Alors, vous parlez du bail, qui est évidemment un élément économique, mais en fait, on a affaire là vraiment à des entreprises qui sont des entreprises privées, bien plus que en France à la même époque. Et Shakespeare est un entrepreneur, un actionnaire de ce théâtre-là. Oui, ça fait le lien avec ce que nous disions tout à l'heure sur le premier homme de théâtre complet, enfin en tout cas cumulant plusieurs fonctions. On sait aujourd'hui que Shakespeare est devenu riche, assez riche, et c'est beaucoup plus par les 10% qu'il détenait en tant qu'actionnaire que, enfin c'est pas beaucoup plus, ce n'est que... Parce que les pièces appartiennent à la troupe. Les pièces appartiennent à la troupe, il n'y a pas de droit d'auteur, et donc Shakespeare n'a pas touché un penny en tant qu'auteur. mais il a touché l'argent des représentations, qui était une somme modique pour ceux qui étaient debout, le public populaire, et une somme plus importante pour ceux qui étaient assis aux galeries, les aristocrates. Donc vous avez le sentiment, comme on peut le lire ici ou là, qu'au fond la motivation financière, tout simplement, elle est pour Shakespeare de première importance. Ça alors, ce serait beaucoup s'avancer. Disons que c'est le reproche qui a été fait à la fin de sa vie par Bond, qui écrit une pièce qui s'appelle Bingo, où il critique l'attitude de Shakespeare, qui aurait pris parti pour de riches propriétaires qui avaient fait clôturer des espaces qui étaient autrefois des espaces communaux. Donc il l'accuse d'avoir été un riche bourgeois soucieux de ses intérêts et pas trop de l'intérêt populaire au sens large. Est-ce que la motivation financière était importante dans sa jeunesse, au début de sa carrière? Je n'en sais strictement rien. Simplement, en tant qu'homme de théâtre, il fallait qu'il fasse travailler sa troupe et que, a priori, il recherche un succès public. Donc il les écrit... pièces jouaient très très peu, hein. Oui. 12 jours d'affilée. Donc il écrit environ 2 pièces par an. Oui. Et par ailleurs, il s'occupe de la gestion de ce théâtre du Globe, qui est peut-être un des plus beaux théâtres d'Angleterre sûrement, mais peut-être aussi du monde à l'époque. Le théâtre italien ont quand même des titres de gloire. Enfin, en tout cas, apparemment, les étrangers qui viennent le voir le décrivent comme un espace brillamment peint, brillamment décoré. Oui, alors ça, justement, c'est un peu comme nous, on réagit quand on apprend que le Parthénon était peint de vives couleurs. Mmh. On a l'impression que le charme du Parthénon, c'est quand même, la pierre nue et que c'est les ruines. Et le Globe, je pense qu'on aurait été extrêmement choqués de voir les piliers, les pilastres soutenant la scène. Un petit peu comme on peut le voir aujourd'hui, puisqu'il a été reconstitué. Ah bah oui, ça on peut pas dire qu'ils aient mis un bon goût supérieur à décorer le Globe, qui est un endroit assez laid. Mm-hmm. Il semble qu'en 1601, il se passe quelque chose dans la vie de Shakespeare, puisque on sent dans l'atmosphère des pièces comme un changement de couleur, un changement d'atmosphère. Jean-Michel Desprats. C'est pas un changement radical. Le changement, il intervient plutôt en 1603, à l'avènement de Jacques VI d'Écosse, devenu Jacques Ier d'Angleterre, Jacques Stuart. Mais là, on a sauté d'emblée à ce qui est la deuxième période d'inspiration. Enfin, traditionnellement, on divise en 3 périodes la carrière de Shakespeare. Il n'y a pas vraiment lieu de refuser cette classification. Dans un premier temps, Shakespeare écrit des comédies. Et il écrit surtout des pièces historiques, qui sont très peu connues en France, encore aujourd'hui. Richard II a été créé par Villars en 1947, au premier festival d'Avignon, alors que Richard III, mais les autres, puisqu'elles dramatisent l'histoire anglaise, ça fait partie des pièces les moins connues, mais pas les moins passionnantes. Est-ce qu'elles correspondent à la réalité historique? Est-ce que là, il y a un travail Certaines de documentation? Sont très historiques. Comme Richard II, en tout cas aux événements tels qu'on les connaît, fidèles aux événements, alors que Richard III est une totale invention, non pas de Shakespeare seul, mais des historiographes Tudor, qui ont créé cette figure démoniaque, alors que les hypothèses qu'on fait aujourd'hui sur le Richard III historique sont plutôt celles d'un roi débonnaire, qu'on a chargé de tous les péchés, tout simplement parce que, il était légitime par rapport aux Tudors, qui étaient, eux, totalement usurpateurs. Alors, vers 1611, Shakespeare va décider de revenir vivre à Stratford. Est-ce qu'on a une idée de la raison qui fait qu'au fond, il arrête, un petit peu le théâtre? Il n'arrête pas, puisqu'il écrit... en 1611, pardon. 1611. Excusez-moi, j'ai cru que vous disiez tout à l'heure 1601, qui était le début de la deuxième période. Non, en 1611, il écrit en collaboration. Donc, la dernière pièce... Il se retire, en tous les cas, de Londres. En 1613. Ah, en 1613. Oui. Et il meurt 3 ans après. Mmh. On dit qu'il est mort d'avoir trop bu. Oui, ça c'est légende, la légende. Légende. Allez, légende. On dit qu'il a passé la soirée précédant sa mort à boire des canons avec son ami et rival. Johnson. Mais ça, c'est une, un fantasme. Enfin, on ne sait rien, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Michel Desprats. Je rappelle que, outre vos nombreuses traductions des pièces de Shakespeare, dont Le Marchand de Venise et Othello, qui sont parus en octobre dans une belle édition illustrée chez Diane de Sellier. Je signale également votre Que sais-je, Shakespeare, aux Presses universitaires de France, paru en 2016. Dans quelques minutes, nous parlerons des tragédies et des comédies de Shakespeare avec Gisèle Venet. Mais tout de suite, c'est le moment de quelques conseils de lecture. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et ces conseils de lecture, c'est avec vous Stanislas Rigaud de la revue Page des libraires. Bonjour Stanislas. Bonjour. Est-ce que vous êtes un lecteur de Shakespeare ? Oui, c'est mon auteur préféré. Alors c'est très difficile. On est peut-être moins lecteur d'ailleurs que spectateur. Hein. Ah ouais, je suis plus lecteur. En fait. Ah, plus lecteur. Je trouve que c'est infini. En fait, et les éditions de la Pléiade sont. J'ai l'impression que dans 50 ans, si Dieu me prête vie, je serai encore avec ces éditions. C'est un bonheur renouvelé, aussi bien de par les traductions que par les dossiers. Oui, parce qu'on peut le lire en bilingue, et c'est ça qui est formidable dans cette édition. Alors, vous voulez nous parler d'un écrivain contemporain, l'américain Jonathan Dee, qui sort le livre Ceux d'ici, c'est son nom, paru chez Plon. Oui, alors si on faisait le point avec le théâtre, il faudrait plus prendre, à mon avis, Tchekhov que Shakespeare pour parler de Jonathan Dee. C'est le formidable roman américain d'un des plus grands auteurs américains vivant actuellement, assez peu connu en France encore, malheureusement, et qui est la chronique sous forme de roman choral d'une petite ville américaine après le 11 septembre au nord-est de New York. C'est absolument fulgurant. Aussi bien techniquement parlant, c'est-à-dire que Jonathan Dee à un art de la structure absolument merveilleux, parce que quand je vous dis que c'est un roman choral, je ne vous ai rien dit. La manière dont il va passer et orchestrer les différents personnages est absolument incroyable, mais en même temps... N'hésitez pas à nous dire en quoi c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'en fait, souvent le roman choral, vous savez, c'est un personnage et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Et là, en fait, on passe de l'un à l'autre. Des fois, le personnage central va disparaître pendant des dizaines et des dizaines de pages. On va parler de l'un, on revient, mais la chronologie avance toujours. Donc en fait, il joue énormément avec les ellipses, alors qu'il a une architecture d'un quasiment pointilliste, et le mélange des deux, avec le fait qu'il est capable d'une émotion, parce que ce côté un petit peu cérébral n'est jamais au détriment de la puissance de l'humanité des personnages. Moi, je suis totalement bouleversé par ce qu'il fait, et là, c'est à mon avis son plus grand roman. C'est un livre sur la classe moyenne américaine ? C'est l'érosion de la classe moyenne américaine dans une petite ville, donc, où un événement, le 11 septembre, fait qu'un richissime New-Yorkais décide de s'installer là-bas, en tant que, non plus de résident secondaire, mais en tant qu'habitant. Et ce personnage et la rencontre avec un jeune entrepreneur va totalement bouleverser la vie de cette ville. C'est un roman qui donne énormément de clés de lecture sur la montée de Donald Trump, même s'il a été écrit bien avant. Il est totalement impossible de ne pas y penser à la lecture. Alors un autre anglo-saxon, vous avez repéré le livre de l'Australien David Malouf, je le prononce sans doute très mal, L'infini, patience des oiseaux, c'est chez Albin Michel. Alors c'est somptueux, il faut lire David Malouf, c'est pareil, c'est un auteur qui a aujourd'hui 82 ans, quelque chose comme ça, qui est très très méconnu en France, je crois qu'il n'y a rien en livre de poche. Il faut lire David Malouf, c'est un des grands auteurs pour moi mondiaux d'aujourd'hui. Ce petit livre va vous raconter l'histoire d'un jeune homme, donc en Australie, qui adore les oiseaux. Et il a du XXe siècle. On est au tout début du XXe siècle. Et il a eu la chance de tomber un peu sur ce qui est le lit et le travail de sa vie, puisque un propriétaire, de retour d'Angleterre, il vient d'hériter là-bas, il revient dans son pays natal, lui confie la tâche d'observer les oiseaux. Et voilà. Une femme arrive, une femme un peu plus âgée que les deux messieurs, et elle est photographe. Et cet étrange trio prend effectivement un plaisir extraordinaire à observer l'incroyable diversité des oiseaux dans cette propriété. Si ce n'est que la guerre arrive, la Première Guerre mondiale. Mmh. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, c'est un tout petit texte. 200 pages en format quasiment poche. C'est d'une beauté et d'une tenue. Il avait écrit quelques années un livre somptueux qui s'appelait Une rançon, qui racontait le roi Priam qui allait réclamer le corps d'Hector à Achille, et c'était déjà un très grand livre. Ben voilà qui donne envie. Merci beaucoup Stanislas Rigaud. D'autres critiques évidemment dans Page des libraires. Où peut-on se procurer votre magazine? Dans toutes les très bonnes librairies. Voilà, dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Stanislas, à bientôt. Merci. Oh, give me Shakespeare instead of long French kisses. Give me Mozart instead of early tides. Give me Tolstoy instead of girl from Riverlight, baby. It's alright. Give me Shakespeare instead of moonlight flirting. Give me Schubert instead of Hollywood tears. Give me Bolshoi instead of all that hustle. Give me Henry Moore, Salvador Dali, and an evening at the opera. Beautifully, it makes a lovely change. I mean that sincerely. I've got so much respect for you, and I know that you've got respect for me too. So let's go on and relax on my bed, so we can confirm all that we said. C'est la suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture, consacrée jusqu'à jeudi à Shakespeare. Nous sommes à présent en votre compagnie, Gisèle Venet, bonjour. Bonjour. Vous avez longtemps enseigné à la Sorbonne. Vous avez donc dirigé avec Jean-Michel Desprats, qu'on entendait en première partie, l'édition bilingue, donc, des œuvres complètes de Shakespeare dans la Pléiade chez Gallimard. Édition complète qui comporte donc évidemment à la fois les comédies et les tragédies de Shakespeare. Est-ce que vous, personnellement, vous avez une préférence pour l'un ou l'autre des genres? Bien, il y a évidemment tout le reste, hein, mais il y a notamment ces deux genres-là. Non, moi je n'ai pas de préférence. Enfin, je veux dire, c'est... on peut dire que c'est une même poétique, toujours, une espèce de poétique de l'irrévérence. On voit Shakespeare à la fois se conformer au schéma de la comédie et en même temps totalement irrévérencieux. Il écrit une comédie des erreurs comme d'après Plaut. Naturellement, il rajoute des jumeaux pour que la perplexité soit supérieure encore à ce qu'elle était dans Plaut. Il va emprunter à Ovid. On a tellement dit que Shakespeare ne savait ni latin ni grec, ou si peu de latin, si peu de grec. Naturellement, il emprunte à toute main, comme on dirait de Montaigne. Et il fait son Montaigne œuvre. Montaigne qu'il lisait d'ailleurs avidement, paraît-il. Voilà. Et donc c'est un plagiaire de génie. C'est extraordinaire le nombre de plagiats qu'il aura commis, en toute candeur, puisque tout le monde est plagiaire dans son siècle, et que Montaigne dit que son œuvre est faite de larcins. Mmh. Ils en sont tous conscients, qu'ils ont cette forme d'écriture. Donc, les comédies sont écrites en même temps que les histoires, les premières pièces historiques, qu'on appellera histoires. C'est écrit absolument dans la même période, avec effectivement ce renversement, une espèce de jeu de massacre général. Alors, vous disiez au début que c'est très sanglant, le monde de Shakespeare. Il faut penser que c'est le moins sanglant de tous ses contemporains. Mmh. C'est sur les scènes de Shakespeare qu'il y a le moins de sang répandu, c'est-à-dire que le massacre est autre, donc supplémentaire il ne fait pas, en quelque sorte. Du sensationnel pour faire venir du public, il alors, le fait moins que ses contemporains. Beaucoup moins de sensationnel que chez ses contemporains, mais beaucoup plus d'ironie, une ironie à la Cervantes. Mmh. C'est-à-dire, on prend des schémas, on les renverse, on prend Pétrarque, et on promet qu'on va écrire une grande histoire d'amour dans laquelle, naturellement, amour va rimer avec toujours, on va idéaliser, on va faire de superbes images, etc. Et en fait, on utilise comme ça, à l'occasion, une paire de jumeaux. Vous parliez des jumeaux aussi tout à l'heure. On va prendre une paire de jumeaux, mystification complète. On ne saura jamais, une fille va tomber amoureuse d'une femme. un garçon va tomber amoureux d'un garçon, il y a une mystification complète de ces jeux de l'amour selon Pétrarque, qui voudrait qu'un homme idéalise une femme dans une perfection amoureuse. Voilà. Donc alors, ça, c'est typique des comédies. Oui. Bah, alors, de la première période. Justement, peut-être retournons à quelques éléments de définition. Je crois que Dante disait que la différence entre la tragédie et la comédie, c'est que la tragédie a un début merveilleux et paisible et un dénouement fétide et horrible, alors que dans la comédie, on se heurte au début à des difficultés, alors que c'est le dénouement qui est heureux. Dans quelle mesure Shakespeare respecte-t-il ce schéma-là ? Parfaitement. D'ailleurs, c'est dans Chaucer, c'est plus près de Shakespeare que Dante. Enfin, en tout cas, sur le plan culturel. Ouais. C'est sa langue, ouais, au moins. Et donc, il l'emprunte tout à fait à Chaucer. Et effectivement, tout menace de tourner mal dans les comédies. Tout commence mal et tout finit bien. Il y en a d'ailleurs une qui s'appelle « Tout finit bien ». « Tout est bien qui finit bien ». Ça n'est pas la plus heureuse des comédies, celle-là. Non. Bien, elle finit assez mal pour l'amant, contraint effectivement d'aimer la femme qu'il n'aimait pas, de coucher avec la femme avec laquelle il avait juré ne jamais coucher, et lui faire un enfant, ce qu'il avait juré qu'il ne ferait jamais. Il a été trompé là par effectivement une substitution de femme dans un lit. Alors puisqu'on en parle, ça c'est un grand moment de renversement dans la comédie shakespearienne. Les comédies du début, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 1602, 1603, ce sont des comédies avec des jumeaux ou des personnages qui sont qui se ressemblent. C'est la ressemblance qui les rapproche. Et ils sont tandis qu'après. Après, tout est bien qui finit bien, après cette période, qui d'ailleurs coïncide avec la comédie la plus noire, c'est-à-dire Troïlus et Cressida, dont on ne saura jamais si c'est une comédie ou une tragédie, d'ailleurs, enfin, elle est quelque part entre les deux. Ça caractérise peut-être un petit peu Shakespeare, justement, cette ambiguïté, parce que d'abord, on associe un peu moins facilement, me semble-t-il, Shakespeare à la comédie qu'à la tragédie. Et pourtant, vous dites, Gisèle Venet, vous n'êtes évidemment pas la seule, cela se lit dans les comédies de Shakespeare, qu'il y a du comique chez Shakespeare. Qu'est-ce que c'est le comique shakespearien ? Eh bien, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une poétique de l'irrévérence. Il est absolument... Il renverse tous les modèles. C'est de la bouffonnerie ? Pas toujours. Ça, disons qu'il sacrifie, bien entendu, au bonheur de mettre en scène ce qui est interdit à son époque, en tout cas que Ben Jonson regarde d'un œil noir. C'est-à-dire, il met des personnages parodiques, comme Touchstones, par exemple, Pierre de Touche, dans Comme il vous plaira, des personnages qui sont des clowns, en anglais, mot lui-même ambigu, puisque on ne sait pas si clown veut dire paysan ou s'il veut dire bouffon de cour. Et effectivement, ces clowns de Shakespeare sont à la fois bouffon de cour et paysan. Donc, on ne sait jamais trop. En tout cas, il se moque de toutes les catégories qu'il utilise. Dans une pièce comme Peine d'amour perdu, il se moque des hommes amoureux. Il se moque de la façon dont ils écrivent des sonnets pourtant extraordinaires, dont l'un sera réutilisé par Shakespeare au nombre de ses propres sonnets. Donc, on a une sorte de renversement de toutes les catégories, une façon de jouer, puisque vous attendez un certain comique, je vais vous donner ce comique, mais renversé. Est-ce que vous diriez, du coup, que les comédies, à l'égal, je dirais, des tragédies, ont pour objet de sonder la profondeur de l'âme humaine, ou est-ce qu'il y a un projet différent, qui serait peut-être un projet plus séculier, par exemple ? Je ne sais pas, parce qu'évidemment, moi je sais que j'ai affaire à un homme de théâtre. Ce qui est manifeste, c'est que c'est un poète, non pas un poète au sens poétique, bien sûr, il va écrire des sonnets, quand il écrit ses sonnets, il les écrit d'une certaine manière, mais il est, quand il écrit ses comédies, ses pièces historiques et ses tragédies, il est d'abord poète de la scène. Mmh. C'est-à-dire, il fait les plus belles entrées scéniques qu'on puisse trouver, les plus belles sorties, les plus belles préparations de ces fins de comédie, de ces fins. il prépare des surprises comme personne ne le fera, avec un sens souvent de l'ironie. Par exemple, on peut dire que il est le premier des ironistes, c'est Hamlet, personnage tragique par excellence. Alors là, vous êtes passé, en effet, du côté de la tragédie. Oui, parce qu'elle est indissociable. Ouais. Voilà. Hamlet, on l'imagine très bien dans une comédie. La façon dont il joue avec les mots, dont il joue avec les personnages, dont il renvoie les mots tordus sur l'envers et signifiant l'inverse de ce que primitivement il devait signifier. Donc on est toujours véritablement dans une poétique de la scène, de la surprise, avec toujours cette impression que c'est moins ces personnages, très importants, mais ces personnages pour le spectateur. C'est une vraie école du spectateur qu'on a toujours dans la comédie ou la tragédie ou les pièces historiques de Shakespeare. Alors il y a une pièce qui est classée comme faisant partie des comédies, c'est Le Marchand de Venise. Mais c'est quand même une pièce assez terrible, Gisèle Venet, parce que il y a cette figure de Shylock qui est un personnage qui est présenté comme étant absolument répulsif. On pourra dire d'ailleurs les implications que ça a en termes d'antisémitisme, puisque Shylock est juif dans la pièce. Alors là, on est dans la comédie, mais est-ce qu'on n'est pas déjà dans la tragédie ? D'abord, on est dans le plus beau plagiat de l'histoire du théâtre shakespearien. Parce que Shakespeare prend l'histoire telle qu'elle existe, y compris la livre de Cher. On peut redire d'ailleurs rapidement l'histoire. L'intrigue à Venise, c'est-à-dire le marchand ruiné, qui va emprunter de l'argent à un prêteur, probablement juif, ça c'est l'histoire à l'origine, et le prêteur peut être juif, dans la première histoire, va prêter pour une livre de chair, c'est-à-dire ce qui a le moins de valeur, de chair humaine, même pas quelque chose dont on puisse se nourrir, enfin, en principe. Oui. En principe. Donc, on a là véritablement un plagiat parfait, et de même, pendant que cette histoire à Venise, etc., une histoire sentimentale se passe dans un lointain pays idyllique dans lequel, là, normalement, on devrait avoir à nouveau une histoire, selon Pétrarque, d'amants qui s'aiment, éblouis. Voilà, donc là, on est vraiment dans la comédie, mais cette histoire de la livre de chair qu'il faudrait quand même retirer sur le corps du marchand, c'est quand même assez tragique, il me semble. Bien sûr, mais ça, c'est pas Shakespeare qui l'a inventé. Il l'utilise en scène, il la met en scène. Ce qu'il invente et qui est nouveau, c'est le personnage de Shylock, c'est-à-dire la façon dont Shylock va jouer de sa judéité. C'est ça qu'il invente, c'est ça qu'il introduit. Le reste, il ne l'introduit pas. Alors, sur il cette l'utilise. Question de l'antisémitisme, les 3000 Lucas, il les prend là où c'était, il les prend exactement à l'identique. Il plagie tout. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez-vous alors sur cette question ? Parce que cette pièce, elle est quand même très polémique, aujourd'hui, en tous les cas. Oui. Enfin, moi, j'ai écrit sur cette pièce avec tellement d'intérêt que, à la suite de cette écriture, je suis allée faire 3 ans d'études juives. Tellement ça m'a effectivement révélé de choses sur la situation des juifs pendant cette période médiévale, post-médiévale, renaissance, et puis la suite, c'est-à-dire tout l'anti-judaïsme qui deviendra l'antisémitisme moderne. Et donc Shylock, Shakespeare n'est donc pas exempt, voilà. Voilà, et donc Shylock, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est une figure d'ironie, mais il est aussi celui qui a conscience de ce qui arrive dans la pièce. Il est le plus conscient. Il est celui qui regarde le marchand pour ce qu'il est, un homme ruiné, un homme du passé d'ailleurs, un homme de l'osium, du temps où on n'avait que ça à faire. Et lui, il est effectivement dans le temps du négocium où il faut qu'il s'occupe de ses affaires. Et que lui, être ruiné, signifie la mort. Et pendant longtemps, au XIXe siècle, on ne va ne jouer que les 4 actes. La comédie se terminera au 4e acte avec le cri tragique de Shylock. Vous m'avez tout pris, vous m'avez pris la vie. On peut-être terminer, Gisèle Venez, en parlant un petit peu d'Hamlet. C'est quand même la pièce qui reste vraiment en haut de la production de Shakespeare. C'est une tragédie de la vengeance. Oui, là aussi, on a un plagiat magnifique. Il n'a rien inventé alors, Shakespeare, finalement. Non, il n'a jamais rien inventé en termes, disons... Non seulement il n'a pas écrit ses pièces, mais en plus, il s'est inspiré de choses qu'il a cherchées à droite à gauche. C'est tout à fait passionnant, parce que c'est pourquoi là qu'on voit semaine sur lui, le vrai Shakespeare, c'est-à-dire ce manipulateur de scène, ce manipulateur de spectateurs, ce manipulateur de ses propres personnages. Ça veut dire quoi, manipulateur ? Eh bien, il tient effectivement ses fils d'une façon transcendante. Mmh. Il s'efface complètement. D'abord, il a cette politesse qu'aucun auteur de son temps n'aura. Il s'efface. C'est une politesse qu'il fait à son spectateur. « Mon spectateur, tu es aussi intelligent que moi. Tu vas tout comprendre. Je te donne les choses sans explication. » Je ne vais rien t'expliquer, rien. Je ne vais pas te donner de coordonnées savantes, etc. Tu te débrouilleras avec ce que je te donne. Et effectivement, il nous donne toujours à regarder et l'envers et l'endroit. C'est pour ça qu'on le joue encore aujourd'hui à ce point-là, parce que précisément, il nous laisse libre de l'interprétation et que du coup, on peut comme ça le jouer à travers les siècles, sans que jamais il ne se démode. Je pense qu'il se démode et qu'il se démode... de plus en plus, à mesure qu'effectivement, on le joue autrement que pour ce qu'il a donné lui-même, c'est-à-dire un texte à jouer pour des acteurs, et que plus on manipule le texte, plus on manipule effectivement ce que Shakespeare a voulu faire, et je pense, plus on passe à côté, et plus on le ringardise, parce que rien n'est plus ringard que ces Shakespeare qu'on veut donner avec une intuition soi-disant de futur, d'avenir, etc. Mais c'est tout autre chose. C'est un jeu théâtral. Et le jeu théâtral pris au sérieux, c'est là, en général, qu'on a les plus beaux Rois Lear, les plus beaux Hamlet, les plus beaux Macbeth, quand effectivement, on lit le texte ligne à ligne et qu'on le rend au spectateur pour que le spectateur en fasse ce qu'il en veut dans le moment sans lui brusquer son imaginaire. Il me semble que ça serait la première politesse qu'on pourrait faire à Shakespeare. Bon, le message est transmis. Il ne me semble pas trop démodé quand même quand on voit à quel point il est joué partout dans le monde. Le lire ligne à ligne et lire Hamlet ligne à ligne, Gisèle Venez, c'est comprendre qu'il s'agit d'une pièce sur la paternité, c'est ça ? Le vrai sujet d'Hamlet. Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Vous ne croyez non, pas ? Non, ça, je ne pourrais pas dire que Hamlet est une pièce sur la paternité. Il y a un père, oui, il y a un conflit, surtout entre quelqu'un qui n'est pas le père, qui est l'oncle, et un jeune prince qui devrait normalement hériter. C'est une pièce trouble, enfin, et elle est écrite, là aussi. Si on ne la joue pas comme elle est écrite pour troubler... Pour troubler, on dira c'est une pièce sur la paternité. Mais ça n'est pas une pièce sur la paternité. C'est une pièce bien plus troublante sur des pères multiples, une mère revendiquée comme mère très aimée et en même temps rejetée comme une mère indigne. C'est une jeune fille de la plus grande pureté qu'on invite à aller non pas au couvent mais chez les putains. C'est une pièce trouble. Et Othello, c'est pour vous la pièce la moins abstraite, la moins métaphysique ? Peut-être. Ce qui est extraordinaire dans Othello, c'est d'abord ce contraste du noir et du blanc dont joue Shakespeare, d'une façon, là aussi, mystifiante. Parce que qui sera le plus blanc, finalement ? Et c'est aussi la première fois qu'on voit une passion pure, sans motif, on parlait de motiveless malignity, cette méchanceté sans motif qu'il y a chez Iago, c'est-à-dire une pièce absurde, totalité absurde. Absurde et poétique, peut-être la plus poétique de Shakespeare. Peut-être la plus poétique, en tout cas la plus mystifiante. Enfin, c'est extraordinaire que celui qui n'était pas fait pour être jaloux, Shakespeare nous le fait dire par Desdemone, eh bien... va devenir jalouse. C'est-à-dire, c'est une pièce absolument de la manipulation jusqu'à ce que les choses arrivent. C'est une pièce de théâtre, pour le théâtre et pour les théâtreux. Comment fabriquer du théâtre ? Et de tout cela, nous parlerons toute cette semaine, avec notamment Georges Banu. Ce sera mercredi. Merci beaucoup, Gisèle Venet, d'être venue nous parler donc des comédies et des tragédies dans l'œuvre de Shakespeare. Je rappelle que vous êtes avec Jean-Michel Desprats, que je remercie une nouvelle fois. On l'a entendu en première partie, la maître d'œuvre des œuvres complètes justement de Shakespeare dans la collection de la Pléiade. Je signale également le dernier livre que vous ayez dirigé. Il s'appelle « Le mal et ses masques ». Théâtre, imaginaire, société, c'est chez ENS Éditions. Demain, Shakespeare en mosaïque à travers diverses entrées choisies dans le dictionnaire amoureux de François Larocque. Mais tout de suite, sur France Culture, vous retrouvez Jacques Bonafé et la poésie. Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Les roses flottent légèrement au-dessus des mots aujourd'hui, comme au commencement, quand se complanter n'avait pas de nom. Ce sont les tout premiers mots de la tristesse cosmique de Jean Portante, paru aux éditions Phi. Hein, ici, l'articulation est importante. Le cosmique ne doit pas être confondu avec le comique de circonstance. Il faut articuler et non manger. Les roses flottent légèrement au-dessus des mots aujourd'hui, comme au commencement, quand se complanter n'avait pas de nom. Cela ne signifiait pas nécessairement que lorsqu'on retournait la terre, une gare avait vocation à s'écrouler et que celle-ci, soit du sud ou du nord, n'a plus d'importance désormais. Disons que les trains qui partent ont perdu le don de la destination. C'est la rose du retour qui l'affirme, et le réparateur de filet toujours l'accompagne. Mais de quel vent revient-elle? Qui ne sait? De quelle sombre toux elle est partie? Là, nous sommes au début. Nous venons d'ouvrir la tristesse cosmique. Et si nous filons à la fin, nous tombons sur poisson mort. Ces nuages qui passent, poisson mort ventre en l'air, sont les derniers témoins d'un dessèchement qui a commencé le jour où, comme si tu tournais définitivement le dos au village, tu as sorti de la commode tous les draps. Sur l'un d'eux, souviens-toi, le cinématographe ambulant projetait des ombres. C'était des têtes noires qui se mêlaient aux baisers que se donnaient les étoiles d'Hollywood, qui, quand il fallait replier l'écran ainsi profané, avaient du mal à lâcher prise. Les boules de naphtaline en savent quelque chose. Elles roulent, les boules, dans ton cerveau. Quand je refais les comptes de ce passé-là, même les nuages détournent le regard. Mais pourquoi, dis-moi, les poissons morts tournent-ils le dos à la rivière? Mais pourquoi, dis-moi, les poissons morts tournent-ils le dos à la rivière? Quel effort de faire ressortir les souvenirs de l'enfance. Jean Portante est de parents italiens, il vit au Luxembourg. Derrière la première porte, la mauvaise herbe pousse et le bateau souffle sa vapeur dans les nuages. Combien était-il à bord quand le pont a chaviré? Reste que d'anciens historiens devant tant de naufrages remplissent leurs manuscrits d'alphabet sympathique. À leurs croquis, on devine les mendiants qui font la queue devant les haillons de la lumière. Derrière la deuxième porte, on ramasse les enfants. Clandestinement, s'il vous plaît. Po, que d'allusions, que de mystères, que d'énigmes étranges. Tiens, saisissons une de ces étoiles filantes, page 63, diamant d'étoile dédié à Stéphane Mallarmé. La boucle à ton oreille jamais ne scintille, on dirait un mendiant chassé par le soleil. Mais pourquoi as-tu caché le diamant sous ton lit quand le rayon est entré ? Jacques Bonafé, merci. Vous lisiez des textes de Jean Portante.